podcast studio dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ludologie, le podcast, qui vous raconte le jeu sous toutes ses formes. Jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. A priori, aujourd'hui, on va plutôt parler jeux vidéo, mais on verra, peut-être qu'on parlera d'autre chose. Et je co-anime ce podcast aujourd'hui avec Corentin. Bonjour Corentin. Salut Adrien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de jeux et de religion, et on est accompagné pour ça de Arnaud Sora-Ziegelmeyer, je le prononce bien? Parfait. Qui est donc docteur en civilisation antique à l'Université de Toulouse. C'est ça. Alors peut-être, pour démarrer, on va peut-être préciser un peu plus votre domaine de recherche. Je vais peut-être présenter vos travaux parce que, avant d'attaquer la question du jeu et de la religion. Oui. Je suis formé donc en sciences de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs choses, les lettres, l'histoire, un peu d'anthropologie, d'histoire de l'art. Et moi, j'ai travaillé plus spécifiquement en archéomusicologie, c'est-à-dire travailler sur la musique dans l'Antiquité et ce qui nous en reste, ce qui nous est parvenu. Plus en détail, j'ai travaillé sur le sistre égyptien, qui est un instrument qui a donc une origine assez ancienne, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et qui va se balader un petit peu partout dans le bassin méditerranéen. On va le retrouver en France, en Germanie, en Afrique du Nord. Et donc j'essaye de voir comment il s'adapte et pourquoi il est utilisé à la période gréco-romaine. Et donc vous êtes intéressé à la question du jeu vidéo. On trouve justement en cherchant un peu jeu et religion, on retrouve votre nom. Justement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce médium qui est plus moderne entre guillemets que le sistre par exemple? Alors il y a deux aspects. D'abord, je pense que c'est un peu générationnel. Donc je suis à peine à 30 ans, donc c'est aussi un média que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Et ensuite, parce que les historiens en général, ou en tout cas moi du moins, on essaye quand même de connecter un petit peu notre objet d'étude avec le monde qui nous entoure et l'actualité. Donc entre les religions que j'étudie dans mon coin très scientifiquement et l'image qu'on a, on va dire, de ces religions aujourd'hui, les religions antiques qui n'existent plus, il y a quand même un décalage qui est assez intéressant à analyser. Et justement, quelle vision donnent ces jeux des religions et des divinités que vous pouvez étudier de votre côté de façon un peu plus scientifique? Elles en donnent une vision déjà assez simpliste, mais ça vient aussi de notre éducation, c'est-à-dire on a tous appris à un moment donné nos 12 dieux grecs, nos 12 dieux romains, comme quoi ils étaient à peu près équivalents, et on n'est pas forcément allé plus loin. Par rapport au domaine scientifique, on sait que si Zeus est un terme qui nous parle à nous, dans l'Antiquité, il n'est pas le même selon la cité où il se trouve, selon le peuple et selon l'époque, par exemple, rien que pour le monde grec. Donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe, qui est simplifié, mais c'est normal aussi, dans le cadre des jeux vidéo, mais pas que dans les jeux vidéo. Ensuite, les religions antiques, elles sont dépeintes aussi de façon très fixe. C'est-à-dire, on a l'impression, pour nous, que bon, il y avait, on va dire, une pratique religieuse donnée, un culte donné, et qu'il est resté le même partout et tout le temps. C'est-à-dire un peu comme nos religions monothéistes modernes. A priori, le dieu chrétien ou le dieu musulman, il est le même où qu'on soit sur la terre. Ça, c'est pas forcément vrai pour les religions antiques polythéistes. C'est des religions qui sont en mouvement parce qu'elles n'ont pas de dogme précis, donc les choses ne sont pas fixes. Donc la vision qu'on a un peu des polythéismes dans les jeux vidéo, ce sont des religions on va dire modernisées, elles sont très fixes, puisque c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Je pensais au cas de Zeus que vous avez cité. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai l'image d'un vieux barbu avec des boucles blanches. Là, maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça me rappelle peut-être l'image de Moïse. Je crois que c'était dans les 10 commandements avec très très vieux film. Ça, mais enfin, par exemple, comment, si je voulais créer un jeu autour de la mythologie gréco. De la Grèce antique, comment je devrais le représenter, enfin, quelles sont les multiples formes qu'il pourrait prendre? Il aurait différentes formes déjà selon l'aspect de Zeus que vous convoquez, puisque selon ce dont vous avez besoin, si c'est d'aide pendant un combat, si c'est de prospérité sur votre maison ou autre chose, vous n'allez pas appeler Zeus tout entier, vous allez l'appeler avec ce qu'on appelle une épiclèse, c'est-à-dire une précision sur l'aspect que vous voulez. Est-ce que vous voulez Zeus tonnant? Est-ce que vous voulez Zeus qui fait peur aux ennemis? Voilà, vous avez un aspect particulier, et donc vous comprenez que selon cet aspect particulier, il va avoir une représentation, donc une iconographie différente. Vous n'allez pas toujours avoir Zeus sous la forme d'un vieux barbu avec un foudre dans la main. Vous pouvez avoir d'autres représentations. Et ça, c'est valable pour tous les autres dieux. À mon avis, c'est l'exemple de Dionysos qui est le plus parlant, parce que c'est un dieu dans la mythologie qu'on voit grandir. C'est-à-dire, d'abord, il est enfant, il fait des voyages, etc. Il se comporte comme il se comporte, avec des valeurs très humaines. Donc, il va jamais être représenté sous sa forme un peu finie et arrêtée que nous, on connaît, c'est-à-dire de nouveau sous un homme adulte, éventuellement barbu aussi. C'est super intéressant, cet aspect des différents aspects de Zeus invoqués selon les situations. Ça rappelle, pour le coup, réellement ce qui se passe dans le monde ludique, dans les jeux vidéo comme Age of Mythology, mais dans un jeu comme Donjons & Dragons également, où on va... invoquer un aspect utilitaire d'un dieu, finalement, pour qu'il nous rende un service. C'est quelque chose qui se retrouve vraiment en Antiquité ? Effectivement, on peut simplifier et dire que le polythéisme est assez pragmatique. On voit des dieux qui apparaissent, par exemple à Asclépios, donc, qui est un dieu qui est associé à la médecine, à la guérison. Il apparaît dans des moments où les guerres sont très importantes, où elles deviennent un aspect incontournable de la vie en Grèce, par exemple. Donc il y a un côté pragmatique qui pourrait être correct quand on le voit apparaître dans les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, que ce soit les jeux de construction ou les RPG, on peut convoquer une divinité parce qu'on a besoin de telle ou telle protection, telle ou telle ressource. Donc ça, pour le coup, c'est assez proche. Justement, c'est assez intéressant de voir qu'il y a peut-être donc déjà plusieurs représentations d'une même mythologie. C'est vrai que là, on s'est intéressé à la Grèce antique, mais on pourrait imaginer aussi sur l'Égypte ancienne ou autre. Moi, ce que je me posais la question, c'est est-ce qu'il y a différents types de représentations de ces religions-là, selon la typologie de jeu. Par exemple, on imagine qu'un univers plus à la Indiana Jones, comme les Uncharted, les Tomb Raider ou autres, ont une représentation tout à fait différente qu'un jeu de stratégie comme Civilization, par exemple. C'est sûr que les jeux de stratégie ont tendance à présenter des religions très pragmatiques, hein, on va dire, où en fait les dieux sont presque juste des personnages humains à qui vous demandez des trucs ou vous essayez de faire en sorte qu'ils vous embêtent le moins possible dans votre développement, alors que dans les jeux de rôle, il y aura peut-être d'autres aspects un peu plus développés, notamment les aspects narratifs, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir, en plus des cinématiques, un lien particulier entre personnages avec une divinité ou avec certains cultes. Même dans Assassin's Creed, vous avez aussi le culte des assassins qui est lié à la pitié dans le dernier. Enfin, on interprète le système religieux comme un personnage entier, quoi. Ça va plus loin que juste mentionner des noms de divinités. Donc le genre importe évidemment beaucoup. Malgré tout, vous pensez qu'il y a une forme de... Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de trahison dans la représentation de ces dieux aujourd'hui? Est-ce que il y a quelque chose qui ressort vraiment pas de ce qui existait à l'époque? Toujours, en même temps, c'est pas l'ambition des jeux vidéo d'être historique et précis, et même, je pense que d'une manière générale, un jeu qui serait historiquement vrai ou parfait, il n'est pas atteignable pour ce qui est de l'Antiquité, parce qu'on n'a pas assez d'informations sur tout, et d'autre part, il serait potentiellement pas forcément très intéressant pour le joueur. Donc il faut quand même penser à lui aussi. Après, Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être critiques? Oui, c'est sûr que l'aspect pragmatique, des fois, est très important. Donc, la religion perd un peu son sens. C'est juste des personnages à gérer comme les autres, les divinités. Il n'y a pas le versant religieux, spirituel, qu'on a tendance à enlever. Bon, on n'a plus aussi l'habitude de ce sentiment, puisque, en tout cas en France, la spiritualité et les religions sont quand même en fort recul depuis que le jeu vidéo existe, ou en tout cas depuis que c'est un média massivement utilisé. Après, bon, je suis pas forcément sur la même ligne que mes collègues. On joue pas au jeu des sept différences pour critiquer un jeu. Ça reste quand même intéressant et ça reste quand même le premier média pour les joueurs de rencontre avec l'Antiquité en général ou avec l'histoire. Et vous avez des exemples quand même de jeux qui, dans vos recherches, vous ont paru reprendre cet aspect spirituel, un peu mystérieux finalement, des cultes antiques ? J'ai pas forcément d'exemple en tête parce que quand le jeu, bah, que ce soit les Assassin's Creed ou Titan Quest pour des choses un peu plus anciennes, bon, je prétends pas être spécialiste des Game Studies ou même d'autres choses, mais quand l'aspect spirituel est mis en avant, souvent, il sert à décrédibiliser la religion d'une manière générale, qu'elle soit antique ou qu'elle soit moderne. On a l'impression que ça, c'est un outil pour manipuler les populations, pour intriguer, essayer de faire des choses un peu pris entre le mal et le bien. Donc cet aspect-là, il n'est jamais, à mon avis, représenté de façon réaliste. Donc après, c'est plutôt l'excès inverse, c'est-à-dire quand la spiritualité est représentée, elle est quand même relativement trahie de mon point de vue. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence dans la représentation des religions polythéistes et des religions monothéistes. Il y a une vraie différence entre comment c'est représenté dans le jeu. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas bien ou c'est quelque chose que vous avez observé? Si vous avez certainement regardé les vidéos proposées par Nota Bene sur le même sujet, le polythéisme antique est plus facilement trahi parce qu'il est moins problématique aussi dans sa réception. C'est-à-dire que si vous modifiez même de A à Z la représentation du culte de Zeus, personne ne va vous tomber dessus au XXIe siècle pour dire que c'est une mauvaise chose. Pour les religions polythéistes, c'est quand même moins évident. Donc, comme c'est un sujet un peu plus sensible, en général, les développeurs ont tendance soit à soigner la représentation, soit à éviter justement tous les aspects qui pourraient être problématiques. Bon, ça, c'est plutôt une tendance générale. Après, l'autre aspect, c'est que les religions monothéistes étant encore actuelles, elles nous parlent plus, on est encore plus proche d'elles, donc c'est aussi peut-être plus facile de les représenter correctement, ou en tout cas de les représenter selon quelque chose qui nous correspondrait d'un point de vue scientifique. Oui, je me demandais... Est-ce que, alors là c'est vrai qu'on s'est intéressé aux jeux vidéo, pour le coup je sais pas si vous avez d'autres pratiques ludiques type jeu de rôle, grandeur nature ou autour d'une table ou un jeu de société, est-ce qu'il y a des différences justement donc, sur comment c'est représenté et comment ça se traduisent ces différences? Dans les pratiques ludiques j'ai pas forcément d'autres exemples. Après, moi, je suis plutôt jeu stratégie. Donc, après, tout ce qui est le jeu Sept Merveilles ou les choses comme ça, on a à peu près les mêmes représentations, même dans les extensions religieuses. Enfin, Seven Wonders, ce genre de jeu. Il y a toujours la même représentation. Mais si on élargit même encore plus, dans le monde du péplum, même par exemple, donc plutôt les films, on a des choses qui sont très proches aussi. Donc c'est pas une spécificité du jeu vidéo de représenter la religion comme ça. Au contraire, il s'inspire même beaucoup de ce qui a été fait avant dans d'autres médias. Pour revenir un peu sur les différences qui peuvent exister avec les représentations de religions monothéistes, notamment catholiques, on sait que pendant longtemps, cette religion-là a porté un discours sur le jeu, on va dire, plutôt négatif. Est-ce que c'était le cas? Comment était perçu le jeu d'un point de vue spirituel dans des temps plus antiques? Le polythéisme antique est assez proche en fait d'une philosophie. Et je pense, hein, même si je ne suis pas spécialiste de la question, que du moment qu'il n'y avait pas d'excès, il n'y avait pas forcément de condamnation du jeu. même dans les processus éducatifs, en tout cas pour ceux qu'on connaît à Sparte ou à Athènes, le jeu était totalement intégré, enfin autorisé, il faisait partie de l'éducation. Non, en fait, je me demandais aussi, puisque vous êtes spécialisé dans le son, dans le son du sistre notamment, s'il y avait justement des choses qui vous semblaient assez crédibles dans la représentation des ambiances sonores, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu des clichés, que ce soit sur la Grèce antique, l'Égypte ou d'autres, hein, même je pense les religions nordiques. Est-ce que justement il y a des vraies proximités qui se font, ou alors est-ce qu'on est sur de la vision fantasmée comme on peut l'avoir sur les divinités en elles-mêmes? Sur l'aspect sonore du jeu vidéo, la représentation ne peut être que fantasmée, parce que de toute façon, on n'a pas suffisamment de données historiques pour avoir une idée précise de ce que serait un ensemble musical à telle époque dans telle cité. C'est-à-dire qu'on a les instruments, on a quelques partitions, peut-être une cinquantaine pour plusieurs plusieurs siècles, donc c'est ridicule finalement. Et après, on ne sait rien sur tout un tas de détails, les tempos, comment s'organisent les ensembles, etc. Donc c'est de toute façon impossible, on va dire, d'atteindre quelque chose de totalement historique musicalement. Après, vous évoquiez les clichés sonores, du style les Grecs, c'est la harpe, les Romains débarquent, donc il y a de la trompette, etc. Ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le jeu vidéo, mais qui est déjà présent depuis deux siècles, on va dire, dans les représentations musicales de l'Antiquité, et que le jeu vidéo a beaucoup pris au péplum une nouvelle fois, puisque les créateurs sont imprégnés, on va dire, de ce média en général. Du coup, on voit qu'on a vraiment une tendance à apprécier, on va dire, là, de représenter des dieux, des êtres formidables, divins, dans les jeux. Est-ce que c'était le cas à l'époque? Est-ce qu'il y a des restes de représentations ludiques de divinités antiques? Je pense qu'il peut y avoir des représentations satiriques ou caricaturales dans la littérature, mais c'est vraiment extrêmement limité. Et en général, c'est pas pour l'ensemble des divinités d'un coup, c'est peut-être pour un culte ou une divinité qui pose problème à la société, donc quelque chose d'un peu marginal. Après, des représentations vraiment ludiques, c'est-à-dire avec une destination pour les enfants, pour les adultes, avec une pratique et une réflexion, je suis pas certain que ça existe. On s'est intéressé là sur ces premiers quarts d'heure, 20 minutes, à l'aspect, donc la divinité, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est la théologie, j'ai pas le terme exact, mais comment dire, le récit et les personnages qui vont apparaître dans la mythologie. Moi, je me pose la question aussi de la représentation du dogme, de la structure sociale, quasi politique. Que peut avoir la religion, et notamment la figure du prêtre qui est peut-être à questionner dans le jeu. Quel est justement votre regard vis-à-vis de la représentation de ces structures, de ces organisations religieuses? En général, elle est assez calquée sur la modernité, c'est-à-dire sur ce qu'on connaît. C'est-à-dire pour nous, en général, pour notre génération en France, la religion est indissociable de ses desservants, c'est-à-dire les prêtres, en gros. Dans l'Antiquité, c'est un peu plus complexe que ça, parce que le prêtre, c'est pas forcément quelqu'un de spécialisé. En général, c'est une magistrature comme une autre, comme vous avez stratège militaire, archonte, gestionnaire de la cité ou gardien de prison. C'est-à-dire, c'est une fonction publique qui est très rarement occupée à vie. En général, vous êtes prêtre de Zeus pour un an, et puis vous pouvez passer prêtre d'autre chose, ou partir dans un tout autre domaine économique ou purement politique. Donc ça, c'est quand même très différent. Et puis pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le côté vieux barbu entre le devin et le prêtre qu'on trouve dans les jeux vidéo, là aussi, est à oublier d'un point de vue historique. Il nous parle à nous parce que c'est peut-être la représentation qu'on s'en fait. Donc il faut avoir une corrélation entre l'imaginaire du joueur et le jeu. Mais d'un point de vue historique, c'est pas du tout valable. Et du coup, le prêtre, il est souvent aussi représenté en jeu comme un porteur de puissance et de magie. C'était pas le cas du tout, du coup, dans les représentations antiques. Oui, c'est un personnage assez mystérieux. Alors après, il y a certains cultes, notamment les cultes à mystère, qui, du fait de leur fermeture, on va dire, puisqu'il n'y a que les initiés qui ont le droit de parler entre eux, de connaître les rituels, etc., qui pourraient, on va dire, aller dans le sens de cette représentation, où le prêtre, c'est celui qui possède un savoir particulier entre la magie et, on va dire, la sagesse philosophique. Mais ça reste extrêmement marginal dans l'Antiquité. Et ça me fait penser que là, on s'intéresse à la pratique politique quasiment de la religion. Mais il y a un autre aspect encore dans les représentations qui peut être à questionner. C'est la pratique individuelle, la pratique personnelle. Je, par exemple, dans le cas des religions antiques, qu'elles soient gréco-latines ou autres, j'ai absolument, enfin pour ma part, hein, j'ai absolument aucune idée de comment ça pouvait s'exprimer au sein d'un foyer, au sein d'un individu. Là où, par contre, dans les jeux, on peut voir ça comme soit des pratiques codifiées, je pense dans des jeux de gestion, voilà, où on crée un temple, ça va créer une économie autour, ou des vieux cultes qui persistent malgré les années et qui réveillent des prophéties, que sais-je. Quel est votre regard justement par rapport à ça, à la représentation de la pratique personnelle? Elle est un peu plus nuancée dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que le système polythéiste, vous ne choisissez pas forcément une divinité. Alors certes, on peut avoir les divinités propres au foyer, à la famille, qu'on va trouver dans les petits larères, donc c'est les petits hôtels domestiques à l'intérieur des maisons. On en a beaucoup à Pompéi, par exemple, qui sont bien conservés. Et après, il y a les sanctuaires publics en général. Donc, en général, dans les jeux vidéo, il reste que le sanctuaire public parce que c'est quelque chose de magnifique. Les temples sont des constructions importantes. Le côté domestique, dieu individuel, est pas resté. L'autre aspect qui reste, c'est que, en général, dans un jeu, le choix des dieux est soit limité, soit fortement contraint. Par exemple, dans les Age of Mythology, vous pouvez choisir deux ou trois dieux, on va dire, au fur et à mesure des âges, mais vous pouvez pas tous les choisir. Alors qu'un polythéiste, on va dire, antique, normalement, il peut accepter toute forme de dieu, du moment que ça perturbe pas trop, on va dire, le fonctionnement d'une cité ou d'un foyer. Donc le côté limitatif qu'on a dans les jeux n'existe pas dans l'Antiquité. Tant qu'on est dans les pratiques, et notamment les pratiques spirituelles personnelles, je me demandais si ça avait existé des pratiques ludiques liées à la religion. Donc, pour le coup, l'Église s'emparerait de cet outil-là qu'est le jeu pour faire passer une forme de spiritualité. Pour l'Église, je ne saurais pas dire, hein, parce que c'est un petit peu au-delà de mes spécialités, mais on sait que dans les différentes étapes de l'enfance, par exemple, il y a beaucoup de danses et de danses rituelles où on mime un peu un guerrier, où on mime des animaux, etc., pour symboliser le passage à l'âge adulte et la domestication, qui sont intimement liées à la religion. Donc il peut y avoir un aspect ludique lié au culte, même si c'est vu de très loin. Après, sur le contrôle, vous parlez d'église, donc c'est pour les périodes postérieures à l'Antiquité, ou c'était pour... Non, c'est moi qui utilise des mauvais termes, et c'était un peu tout. Ce qui vous inspire. Allez-y. Oui, effectivement, c'était oui, dans le sens, structure religieuse, plus que église, si, ouais. Oui, justement, dans l'Antiquité, il n'y a pas de structure, pour l'Antiquité grecque, il n'y a pas de structure politico-religieuse supranationale comme on aurait aujourd'hui le Vatican qui supervise toutes les églises catholiques du monde, etc. C'est le localisme qui prime. C'est-à-dire, vous avez les prêtres de tel temple d'Athéna à Athènes sur l'Acropole, et ils ne contrôlent la vie religieuse, même pas politique, que de ce temple-là, voire éventuellement de la cité, mais il n'y a pas quelque chose qui les contrôle au-dessus. Il n'y a pas d'église au niveau de la Grèce ou au niveau du monde antique. C'est le localisme qui prime à chaque fois. On s'est intéressé donc aux représentations vraiment très situées dans une ville. Et moi, je me demande notamment sur les jeux de stratégie, parce que j'ai l'impression que vous êtes assez fan de jeux de stratégie, c'est comment... comment les jeux arrivent à jouer, on voit les limitations de la langue française, avec l'évolution, alors autant géographique que temporelle des religions, parce que on voit bien, et notamment sur la mythologie gréco-latine, qu'il y a eu de vraies hybridations avec d'abord donc le Rome et la Grèce, puis ensuite avec l'Égypte, etc. Vous voulez dire comment les systèmes religieux se rencontrent, c'est ça, en Antiquité? Oui, et comment ça se traduit en jeu? J'ai pas forcément d'exemple, que ce soit la stratégie ou même un RPG, de divinité, on va dire, étrangère au final, qui se rencontre dans le jeu et qui s'interprète après différemment. Effectivement, dans l'Antiquité, quand les Romains découvrent les divinités grecques et les intègrent, ils cherchent à faire des équivalences avec leurs divinités, ou alors ils intègrent ces divinités directement. Bon, Apollon, par exemple, cherchait, il n'y a pas de traduction en latin, hein, c'est exactement le même nom, exactement la même divinité. Idem avec l'Égypte. Mais dans les jeux vidéo, je n'ai pas forcément souvenir de ce rappel. Bon, je sais par exemple que dans la version Discovery Tour d'Assassin's Creed en Égypte, on vous parle par exemple de la fondation d'Alexandrie, avec Alexandre qui allait notamment se faire couronner fils de Zeus Amon dans le désert près du Delta. Bon, on n'explique pas forcément ce collage entre Zeus et Amon. Bon, il n'y a pas forcément de représentation de cet aspect dans les jeux, pardon. À l'inverse, on a certains jeux qui ne proposent pas d'interagir avec des dieux connus issus de notre mythologie, mais d'en devenir un, d'en incarner un. Je pense à Black and White, mais il y en a quelques autres. Ça a été une certaine mode, et c'est encore des jeux assez présents entre gestion et stratégie. Ces jeux-là, bon, alors ils sont très très ludiques, mais est-ce que dans leur gestion de la spiritualité, ils laissent paraître une forme de réalisme? Dans l'Antiquité, les divinités ont des sentiments humains, c'est-à-dire ils font des choses très sérieuses, mais ils font aussi n'importe quoi. Et en général, le fait d'incarner un dieu dans un RPG, c'est-à-dire lui faire faire finalement ce qu'on veut, enfin dans les limites du jeu, là pour le coup, ça collerait totalement avec la mythologie, c'est-à-dire que vous n'avez pas là aussi une version de la vie de Zeus ou une version de la vie d'Artémis ou d'Athéna. C'est quelque chose qui est évolutif, puisqu'il n'y a pas de dogme, c'est une mythologie, donc selon les auteurs, ça va varier un petit peu, etc. Et ça, à mon avis, ça correspond totalement au fait que le joueur, justement, fait des choix, et donc éventuellement, cette vie pourrait être différente selon ses choix. Ça, pour le coup, ça peut correspondre en termes de spiritualité, selon moi. Donc en fait, la meilleure représentation des dieux en jeu vidéo, c'est un joueur qui est laissé avec tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut. Oui, ça, j'imagine que ça doit être un jeu vidéo assez intéressant à fabriquer déjà. Mais effectivement, laisser les choses ouvertes, ne pas les fixer, on va dire, définitivement, et laisser le champ des possibles avec un personnage qui finalement est représenté comme un humain, hein, donc anthropomorphe, comme les statues qu'on a reçues, et qui a des sentiments humains, comme le joueur, ce serait relativement fidèle, oui. C'est marrant que tu utilises, toi, Quentin, ces exemples-là, parce que moi j'étais... Ah oui, donc en fait, God of War, avec le mec qui défonce tout, c'est très réaliste, moi j'avais cet esprit-là. Pour le coup, je ne sais pas du tout si God of War correspond à quelconque... je sais qu'il s'intègre dans un univers mythologique, mais je ne sais pas du tout si c'est très très crédible dans ce genre de mythologie, justement. Disons que rester sur une seule modalité, par contre, ce serait un peu moins crédible. Après, c'est sûr que vous avez le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, etc. Bon, c'est sûr que dans les jeux vidéo, on a tendance plutôt à se focaliser sur la guerre et la violence, c'est quand même plus intéressant. Mais bon, il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, les dieux ont eux-mêmes différentes versions selon ce qu'on appelle en eux. Il faudrait intégrer ça aussi. C'est-à-dire, si on reste que sur de la guerre, ce serait peut-être un aspect, on va dire, d'une divinité ou du polythéisme, mais ça ne représenterait pas toute la spiritualité possible. Oui, puis si on prend le palmarès des dieux grecs, par exemple, il faudrait aussi ajouter une fonction jeu de drague. Exactement. Voir autre chose, mais ce serait interdit, je pense. Mais bon, y a en tout cas, je ne sais pas, à ma connaissance, il y a des dieux, enfin des jeux vidéo basés, on va dire, sur purement les relations, on va dire, amicales ou amoureuses. Vous m'en direz plus, j'imagine. Mais ce serait intéressant, effectivement, par exemple, de représenter Zeus. Non, mais c'est vrai que, par exemple, dans certains jeux stratégiques japonais, il y a une possibilité de faire se rencontrer des personnages et les faire avoir une relation, puis ensuite jouer leurs descendants. Donc là, on aurait totalement une situation intéressante pour incarner les demi-dieux, par exemple, Hercule, ce genre de choses. Oui, en plus, dans la mythologie gréco-latine, vous trouvez une sorte d'atavisme familial assez notable, on va dire. C'est-à-dire, vous avez un ancêtre qui a commis telle ou telle chose, donc vous avez tendance à reproduire ses erreurs, ou en tout cas à payer de ses erreurs. Ça serait intéressant, effectivement, sur plusieurs générations dans un jeu, d'avoir cet aspect-là qui est représenté. On l'a dans certains jeux où les choix conditionnent, on va dire, le développement narratif, mais je n'ai pas souvenir, par contre, que ce soit un jeu centré sur l'Antiquité. Mais ça existe dans d'autres thématiques. Je me rends compte qu'en vous écoutant, qu'on a oublié une question essentielle, en fait. Celle qu'on aurait dû poser au tout début. On parle de religion et de mythologie, mais on n'a pas défini ce que c'était, ce qui est une erreur un peu de notre part. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand on me pose la question mythologie, je pense, effectivement, c'est les personnages, comment dire, archétypaux, qui s'inscrivent dans une histoire et qui sont source de culte. Mais j'imagine qu'un expert comme vous aurait une autre définition qui est peut-être plus précise et plus exacte. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu, un bon étudiant ou un bon professeur, définir les termes pour se mettre d'accord avant d'entamer la discussion. La religion, c'est quoi dans l'Antiquité ? Le mot n'existe pas au sens où on l'a nous. C'est-à-dire que le grec va se dire pieux, respectueux des rites. Le tout, c'est de reproduire les rites pour ne pas fâcher les dieux et que tout se passe bien. Chez les Romains, on a quand même religare, qui est un équivalent étymologique, mais qui est l'idée de relier alors soit les hommes entre eux, soit les hommes et les dieux. Donc il y a un lien entre le divin et l'humain mortel. Donc c'est un peu éloigné quand même de nos définitions modernes. Et après, pour la mythologie, certes, c'est les aventures de Zeus, plus ou moins comico-tragique, les aventures d'Artémis, de Paris, de Troie, etc. Mais c'est aussi des récits qui servent à légitimer l'ordre établi. L'exemple typique qu'on prend souvent, c'est les Spartiates, qui sont un peuple, une cité très, très axée sur le militaire, le physique, sont les descendants d'Héraclès. Donc ça justifie leur attitude et le fonctionnement de leur société de présenter cette hypothèse dans les mythes. Exactement la même chose pour Philippe II, est censé être aussi un descendant des Héraclides, qui sont eux-mêmes les descendants d'Héraclès. Donc ça justifie le côté sanguin, militaire, expansionniste de ces deux civilisations. Je trouve ça très intéressant de voir ces aspects, justement, de voir que la religion peut, en fait, plus une source de lien entre les gens et aussi la perpétuation d'un ordre établi, là où effectivement, dans les jeux, et notamment, je pense, jeux de stratégie, puisqu'on en a beaucoup parlé, on est effectivement, il n'y a pas de contestation du chef de guerre ou du chef du village, quoi. Or, il peut y en avoir. Alors, c'est vrai qu'on a souvent retenu des deux définitions la deuxième, en disant, bon, ben, les mythes, ça sert à manipuler tout le monde et à faire ingérer l'ordre établi pour qu'il ne bouge pas. Donc, il y a des contestations d'ordre politique. En général, les mythes, c'est plutôt, on va dire, aussi des données philosophiques, des leçons de vie qui sont assez générales et qui sont aussi très anciennes. Donc, bon, surtout les Américains ont souvent retenu le côté la religion, ça sert à manipuler les gens pendant un combat, on fait apparaître des héros qui n'existent pas, etc. Mais c'est pas forcément que ça non plus. Vous disiez que ça avait aussi une dimension philosophique, donc peut-être aussi une volonté de faire réfléchir, d'émanciper la pensée d'une certaine façon. émanciper la pensée, c'est peut-être un peu idéaliser le polythéisme grec, mais en tout cas, il n'y a pas, on va dire, de dogme véritablement, de moule dans lequel il faudra absolument rentrer. On trouve tout et son contraire dans ces histoires. C'est-à-dire, on vous dit d'un côté qu'il ne faut pas être excessif ou obstiné, souvent dans les récits mythologiques. Donc ça, un exemple pour la musique, c'est Marsyas, qui est un satyre qui prétend mieux jouer de l'holos que Apollon. Apollon se vexe, finit par le défier. Et même si finalement les deux se valent, Apollon le châtie en l'écorchant et donc en le tuant. Donc il faut pas faire preuve d'excès, mais en même temps, le contre-exemple quand même assez fameux, c'est Achille. On vous dit, bon, ben, soit tu vas briller à Troie, notamment par l'excès, et mourir mais être un héros, soit tu vas rentrer chez toi et n'être rien. Donc vous avez le contraire. D'un côté, on vous dit, il faut pas faire preuve d'hubris, donc pas faire preuve d'excès. Et de l'autre côté, on vous dit, non, mais il faut quand même y aller, il faut quand même se montrer pour rentrer dans la légende, devenir un héros. Effectivement, c'est une leçon un peu contradictoire. Et je profite d'avoir quelqu'un qui justement a une connaissance qui a une culture justement gréco-latine et qui a peut-être des éléments d'éclaircissement pour nous. Dans la théorie des jeux, on utilise souvent les termes comme ludus, paideia, sont des termes justement qui sont beaucoup soumis à interprétation. Je ne sais pas si vous, ce sont des termes qui vous parlent, que vous avez rencontrés dans le cadre de votre formation et de vos recherches, et surtout avoir votre regard sur ces termes-là et leur signification, quel sens vous leur mettez. Alors là, il faudrait interroger un professeur de littérature classique. Ce que je D'accord, dis pas. Bah c'est effectivement parce que je savais pas vers qui me tourner, donc c'est une bonne réponse déjà. Effectivement, oui, il y a l'idée quand même d'amusement, mais bon, un peu comme tout, ça peut être disqualifié si c'est un amusement excessif. Donc ça va s'opposer à la culture, au fait de devenir citoyen, d'être quelqu'un de correct en société, mais en même temps, pris de manière non excessive, c'est inclus dans l'éducation, ça peut servir. Donc les Grecs sont toujours des gens très mesurés, le juste milieu, et donc à mon avis, il n'y a pas d'exclusion forcément, on va dire, de cet aspect-là des choses. Après, bon, les définitions précises, il faudra demander à un professeur de lettres classiques. Eh ben en tout cas, on va essayer de trouver ça. Merci beaucoup, Arnaud Sera Ziegelmeier. Peut-être pour conclure cet épisode, qu'on arrive à une quarantaine de minutes. peut-être pour vous, peut-être quel est votre jeu préféré qui met en scène une mythologie, et justement quel plaisir vous en tirez au vu de vos connaissances. Un jeu spécifiquement basé sur la mythologie, j'en ai pas forcément l'idée, mais moi personnellement, je suis resté bloqué sur les Age of Mythology parce que c'est vraiment justement quelque chose d'assez détaillé, et même si c'est pas complètement exact, évidemment, en même temps, la mythologie n'ayant jamais existé ne peut pas être exacte, on est bien d'accord, ça donne quand même un aperçu de plusieurs civilisations, de plusieurs panthéons religieux, et surtout des dieux, des héros et des hommes aussi. Donc on a vraiment la vision d'ensemble de ce que serait un système religieux. Donc ça me plaît bien en tant que gamer, pas en tant que qu'antiquisant. Avant la fin, on a quand même une dernière question à poser qu'on a failli oublier, mais qui est la question qu'on pose à tout le monde à la fin. C'est cette année, en tout cas, la question, c'est quelle est la leçon de vie que vous avez appris par le jeu? Celle qui vous a le plus marqué, en tout cas. Par le jeu, et notamment le jeu de stratégie, vous avez compris, c'est que c'est pas forcément le plus fort qui gagne. C'est le plus malin. Effectivement, c'est plutôt une leçon assez intéressante, je trouve. Merci encore, Arnaud Sera Ziegelmeier. Vous êtes donc docteur à l'Université de Toulouse en archéomusicologie. J'espère que je n'écorche pas la spécialité. Non. Non, c'est bon. Oui. Ok. merci beaucoup. On mettra du coup un lien vers vos travaux dans la description. En tout cas, nous, on revient donc dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, jouez bien, jouez en famille ou entre amis. En tout cas, jouez tant que vous le pouvez. À bientôt.